Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Si tu vomis, vomis là-dedans. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. J'aime me beurrer la biscotte. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans En toute mauvaise foi, le podcast avec un peu de culture, mais surtout beaucoup de mauvaise foi. Ici, on vous parle librement, facilement et sans prise de tête de ce qui nous a fait rire, de ce qui nous a fait ressentir des choses, des films, des musiques, des livres. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Victoire. Salut. Comment ça va, Victoire? Ça va et toi, Hugo? Ça va, je suis très content de t'avoir à cette table ce soir. Et en plus qu'on a une nouvelle invitée, bonjour Constance. Bonjour Hugo, bonjour Victoire. Comment ça va Constance? Mais écoute, ça va plutôt pas mal. Eh ben, je suis très content de ça. Donc Constance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mais alors, je suis la sœur de Victoire. Révélation. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Et j'ai une vie très intéressante. Oui, et on la détaillera tout au long de ce podcast. Alors, ce soir, on va vous parler de beaucoup de choses. On doit vous parler de The Disaster Artist, de Dark, de The End of the Fucking World, de j'ai même oublié, d'ailleurs. Revenge. Oui, de Coralie Farja, j'ai noté, parce que je suis extrêmement organisé. Et de aussi, Teen Movie. Et de Teen Movie. Si on a du temps, peut-être qu'on en fera une deuxième émission, parce que comme on n'enregistre pas souvent, comme ça, ça fait des émissions de programmées. Est-ce qu'on démarrerait pas directement sur The Disaster Artist? Bah allez, pourquoi pas. Alors, The Disaster Artist, réalisé et joué par James Franco, sorti en décembre 2017 aux États-Unis et en début mars en France. Je pense même qu'aux États-Unis, il est sorti en novembre. Parce que comme il a eu le temps d'être nominé au Golden Globe, je pense qu'il était sorti assez tôt. Ouais, il est... Ouais, moi, je dis décembre, mais je suis pas sûr, en fait. Et le micro n'était pas aligné, ça va beaucoup mieux. Oui, alors, adapté du roman éponyme... écrit par Greg Sestero et Tom Beazle, qui parle du tournage du film The Room, sorti en 2003, réalisé et joué par Tommy Wiseau, le Tommy Wiseau, de qui on va parler longuement dans la suite de ce podcast, et donc joué dans le film justement par James Franco. Et oui, merci Warner pour les places. Voilà, on remercie Warner pour les places qui nous ont d'ailleurs pas du tout offertes parce qu'on fait un podcast. Et on a eu la chance de voir ce film. Je l'avais déjà vu avant, mais Victoire, non. Là, on parle de The Room. Hein, The Room, oui. En fait, Disaster Artist, donc il faut savoir que c'est sur le tournage de The Room, entre autres. Parce que ce n'est pas que ça. Mais The Room, du coup, on a été le voir au Grand Rex à mi-février. Oui, et c'était vraiment très, très bien. Projection organisée par Panic Cinéma et Chroma. Et où on a eu la chance de faire une photo avec Tommy Wiseau. Et Greg Sestero. Et j'étais extrêmement ému. Il a failli pleurer. Oui, Constance, j'étais ému. Ça me fait plaisir de le savoir. Et ben voilà, ça c'est la bienveillance. Ça c'est en toute mauvaise foi. Moi si je peux faire un petit commentaire sur James Franco, ça m'étonne parce que c'est une des seules célébrités accusées de harcèlement sexuel, etc. qui n'a aucune retombée, qui continue à se faire engager pour des films. Là, The Disaster Artist, il a pas été trop... En fait, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, The Disaster Artist, tu sais, il y avait les Golden Globes en décembre et les Oscars, c'est début mars. Il a été nominé au Golden Globe comme meilleur film, comme meilleur acteur pour James Franco. Et là, pour les Oscars, ils l'ont supprimé de toutes les listes de nomination. Ouais. Ah d'accord. Il a été snobé pour les Oscars, tu vois, alors c'était 2 mois après. Donc, là, pour l'instant, il est... Je dis pas qu'il a eu ce qu'il mérite. Dans le sens où... Et on ne dit pas qu'il est banni d'Hollywood non plus, voilà, on ne sait pas encore il faudrait quand passe. Même un truc judiciaire. Mais ouais, il a complètement été banni des Oscars et... Alors que normalement, il était très bien parti pour être nominé, tu vois. Je veux dire, d'ailleurs, James Franco a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour ce rôle. Mais moi, James Franco, c'est un acteur que j'adore. Donc voilà, c'est triste cette histoire, mais du coup, c'est quand même bien, c'est un minimum de retombées quand même. C'est ça. Mais moi, j'ai dû aller voir son film parce que je suis vraiment un énorme fan de Tommy Wiseau. Et en fait, j'attendais tellement ce film que je peux, et je pense pas que j'irai voir les futurs films de James Franco, je les piraterai comme un gros porc. Mais par contre, celui-là, je pouvais pas. Tu vois, c'est un peu l'épisode, enfin le film du au revoir. Mais de toute façon, on n'a pas payé, donc. En plus, on n'a pas payé. Donc j'ai envie de dire bon. Pff. Et puis, en plus, c'est vrai que Hugo, ça fait genre 9 mois que la première bande annonce est sortie. Ça fait 9 mois que tout le temps, il me dit, il faudra aller voir ce film. Ah ouais, non, mais moi, je franchement, j'ai enfin le film, j'ai pas été déçu, mais en fait, c'est ce à quoi je m'attendais. Il y avait un effet un peu. Tu veux dire pas de surprise ? Pas de surprise, mais pas forcément au point de vue scénaristique, mais plutôt au niveau de. Même du jeu d'acteur, en fait. Je trouve que il y a aucun moment. J'ai passé un très bon moment et tout, mais à aucun moment je me suis dit ah waouh, quoi, vraiment waouh, tu vois. C'est vraiment en mode il fait le taf, et c'est bien, c'est pas non plus extraordinaire. Mais... En même temps, Tommy Wiseau, il est tellement inimitable. Que enfin c'est très très dur aussi de faire mieux quoi. Après ça fonctionnait bien, la salle était bidonnée de rire. Genre ouais, il y avait une dame qui était à quelques fauteuils de nous et elle explosait de rire, mais littéralement tu sais, elle hurlait des et vraiment ça résonnait dans la salle de cinéma. T'entends pas souvent ça, tu vois, t'entends les gens faire mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un moment où moi j'étais hyper ému et où j'avais failli pleurer. Et il y a un mec qui rigolait comme une merde, mais d'un rire extrêmement méchant. J'étais là en mode, mais qui es-tu ? Comment oses-tu ? Sale merde, tu vois, en mode vraiment. Et en plus, le film est beaucoup moins triste que le livre. Le film, il reste quand même très, très rigolo. Le livre, il est... Enfin, à des moments, il explore des facettes de la personnalité de Tommy Wiseau. Où c'est vraiment pas rigolo, et le mec, t'as un peu pitié, enfin, t'as pas que pitié de lui, mais tu dis à sa place, mais ça doit être horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Et en gros, le film joue plus sur l'aspect comique, à des moments, c'est quand même pas terrible, terrible, mais franchement, c'est une bonne surprise. Mais je sais pas si tu connais l'histoire du tournage. Mais du coup, j'arrive pas à comprendre, parce que Tommy Wiseau, il joue son propre rôle ou il fait de l'acting ? Dans The Disaster Artist ? Oui. Non, il joue pas du tout. Enfin, il fait un caméo à un moment. Oui, mais par rapport à The Room, pour lui, c'était sérieux ou c'est pour rire de base ? Ah non. C'est pour lui, c'était un chef-d'œuvre. Ok. Donc, The Disaster Artist, ça montre comment ça se passe pour lui quand il se rend compte que c'est pas un chef-d'œuvre. Non, ça, c'est juste la fin. En fait, c'est comment il se rencontre avec Greg Sestero, qui est le producteur du film, enfin de The Room, et le second rôle. Comment ils se rencontrent et comment en fait ils vont arriver à faire ce film là et comment ils le font et comment c'est reçu, mais vraiment la réception du film c'est à toute fin quoi. Ok. Et le truc c'est que c'est pas juste un mec qui a fait un film de merde, c'est vraiment un mec qui avait une vision assez enfin, des fois stupide et des fois ça n'a aucun sens. Style, il fait une sorte de comédie dramatique, enfin même pas une comédie en fait, c'est juste un film dramatique sur un espèce de triangle amoureux assez classique. Et The Room, hein, on parle de The Room. Ouais, on parle de The Room. Tommy Wiseau, pendant le tournage, ils avaient déjà tourné une scène, enfin le script il était fini, ils suivent le script et tournent les scènes. Ils demandent aux effets spéciaux si ça serait possible de faire rouler la voiture pour qu'elle s'envole du toit. Et genre, ils lui disent, mais c'est quoi le rapport avec le reste du film ? Il fait, ah, je sais pas, peut-être que Johnny, qui est le personnage principal, c'est un vampire, en fait. Donc, non seulement il ne répond pas à la question, parce que tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec la putain de voiture ? Et en fait, le mec, il change. Et vraiment, il y a des trucs qui font un peu de nouvelles vagues. Il y a des idées qui sont un peu perchées parce que c'est américain, mais en fait, ça fait très nouvelles vagues. C'est pour ça que, pour moi, le surréalisme et les trucs débiles, des fois, la frontière est... Et fine, mais je suis passionné par cette histoire et c'est le film, je le trouve retranscrit avec une relative bienveillance. Je trouve quand même que c'est bienveillant le film. Je sais pas ce que t'en penses, Victoire. Ouais, c'est ben, tu sentais que James Franco il faisait pas ça pour se moquer de Tommy Wiseau, mais lui rendre hommage en fait. En fait, parce que au-delà du fait en gros que Tommy Wiseau il fait son film, que c'est nul, etc., que c'est n'importe quoi ce qu'il fait. En fait, ce que ça représente aussi, c'est un mec qui à Hollywood, en gros, tout le monde lui dit non, tu seras jamais acteur, tu seras jamais réalisateur. Tout le monde lui dit qu'il est nul. Et il dit non, je peux le faire, je suis bon, je vais faire un film. Et il va jusqu'au bout, tu vois, il crée son film de A à Z tout seul en recrutant son équipe et tout. Alors qu'en gros, tout le monde lui dit qu'il y arrivera jamais, mais il y arrive quand même, tu vois. Même si son film est nul, il fait son film de bout en bout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais du coup, est-ce qu'on peut voir The Disaster Artist sans avoir vu The Room ? Ou c'est quand même préférable ? Alors moi, j'ai un ordre que je recommande. C'est voir The Room, voir The Disaster Artist et revoir The Room. Non, mais c'est Star Wars, tu sais, je veux dire... Alors, je pense que pour voir The Room, déjà, il faut pas être seul, il faut pas être sobre, et si possible, être quelqu'un qui connaît un minimum l'histoire, pour qu'il te dise les anecdotes et ce qui s'est passé pendant le tournage, ou qui c'est le personnage, pour vraiment que tu ressentes en le gros, film. En gros, comme t'as fait avec moi. Exactement. Du coup, ça veut dire qu'on va regarder The Room après cette podcast. Peut-être. Attendez, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, depuis tout à l'heure, Constance, elle dit une podcast. Un podcast, une podcast, c'est plus que... Eh ben, j'ai envie de dire, pourquoi le podcast ne veut pas être genré. Exactement, le podcast, il a le genre qu'il veut. Voilà. La podcast, cette podcast, on t'aime, on t'aime podcast. C'est une fille. Bref, on recommande, mais comme James Franco, il s'est fait accuser d'agression sexuelle, bah si vous pouvez le voir gratuitement, ce serait bien. Après, pour le coup, moi, j'ai vu récemment un film avec James Franco qui s'appelle Why Him ou The Boyfriend, je sais plus. Ah, je l'ai vu dans la... C'est le film que j'ai vu dans l'avion pour la Shanghai. Je sais plus voilà, quel est le titre en anglais, en français, en québécois, etc. Et honnêtement, pour une comédie de ce type, j'ai quand même trouvé ça très très drôle. Ah. C'est vrai, t'as trouvé ça. Après, voilà, enfin, ça volait pas haut, clairement. Mais ça m'a fait rire. Alors, non mais attends, Hugo, avant de critiquer, je te rappelle que j'ai à côté de moi l'experte en teen movies. Ah oui, experte en teen movies. Un petit peu de. Sur BFM, quand ils font un sujet sur les teen movies, ils t'en. Et je suis bon public. Après, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Mais voilà. Non, mais c'est quand même un film avec Bryan Cranston et James Franco. Ils s'en mettent pas. Et c'est qui la fille déjà ? Inconnu au bataillon. En tout cas, je l'ai pas vu dans d'autres films. Et je l'ai vu dans l'avion pour Shanghai et j'étais pas ultra sobre. Mais le c'était mec en chinois sous-titré français. Le mec qui précise à Shanghai parce qu'il est vraiment trop hype. Un so travel. Mais non, je l'ai vu du coup dans l'avion et c'était en anglais sous-titré chinois. parce que tous les films, ne prenez surtout pas China Eastern Airlines, prenez juste Air France. C'est genre 50 balles de plus, mais l'alcool est meilleur. Ils en filent beaucoup plus que China Eastern et en plus. La bouffe est meilleure et vraiment, enfin, tout. C'est juste 50 balles ou 100 balles de plus, mais voilà. Et du coup, tous les films sont en anglais, sous-titrés chinois. Tu peux être que, soit tu parles, t'es bilingue, soit t'es chinois. On va dire, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, est-ce que t'as compris le film ? Alors, j'ai compris. T'es peut-être passé à côté du génie. J'ai compris et le film, étant donné que, en fait, l'histoire, c'est Bryan Cranston, sa meuf, elle se tape un jeune. Ça a l'air d'être un gros teucard, mais ça va parce qu'il est riche. Donc ça, c'est le début. Le milieu du film, c'est James Franco, donc le copain. Ouais, c'est quand même un énorme bof. Ses copains, c'est quand même des connards. Apparemment, il a une réputation de merde et son entreprise, elle va pas très bien. Mais ça va parce que c'est une start-up et il est jeune et dynamique. Et la fin du film, c'est t'es quand même une sale merde, mais ça va parce que t'as des relations et t'es riche. Et c'est vraiment ça. Il a aucune morale ce film. Ouais, c'est clair qu'il a aucune morale. Enfin, en fait, au début, avec cette personnalité d'être très vulgaire, enfin, la façon dont se comportait James Franco, je me dis comment ça va se terminer parce que c'est vrai que c'est le genre de personne que un père, je pense, ne pourrait jamais accepter. Après, on s'en fout pas. Mais c'était super marrant et on note que chez lui, il avait quand même un énorme aquarium avec. C'était quoi l'animal ? Un caribou ? Un caribou rempli dans de la pisse de caribou en fait. Quoi ? Ah oui, oui, oui. Et du coup, on se doute qu'au cours du film, peut-être pas, ça va exploser. C'est mais un aquarium de Tchekhov. Mais c'est plutôt une bonne idée, en fait. Ouais, c'était pas nul. Et c'est marrant à regarder vraiment en anglais, parce que je pense vraiment que, vu en anglais, comment ça se passe, le doublage français doit vraiment être nul. Je sais pas. Il y a beaucoup de fuck, de motherfucker. Enfin, du coup, en français, je sais pas trop comment ils traduisent ça. Il y a un truc vraiment drôle. Sur les vols des compagnies chinoises, ils retapent le film pour pas que... Alors déjà, tu verras jamais de bite. Les plans où tu vois des bites, du coup, il y a un moment, tu vois la bite de James Franco, j'ai pas compris la scène parce qu'ils l'ont coupé, en fait. Et en gros, ils redoublent juste certains mots. Par exemple, t'entends jamais fuck. Ils font fudge. Tu déconnes. Non, et je te jure. Genre, what the fuck, ça fait... What the fudge? Bah honnêtement c'était un fuck par phrase. Du coup t'as dû entendre fudge. Et avant il y avait fudge, il y avait shit, il disait. Je sais plus, un truc genre shit, un truc vraiment bizarre. Ça voulait rien dire et il le répétait, genre c'est un gimmick. Et c'est juste à la moitié du film que j'ai compris que c'était un truc de censure en fait. Mais au début je me disais mais c'est quoi, c'est qu'est-ce qui se passe, enfin. Et vraiment ils essayent de faire ça la n'est même pas drôle. Oui c'est juste bizarre, tu vois, genre ouais, what the fudge. Ok, sympa. C'est peut-être un truc genre de, c'est de l'humour des chinois, voilà. C'était raciste. Alors on passe à, d'ailleurs on a pas mal digressé avec ça. D'ailleurs c'est réalisé par qui, tu sais pas? Pas du tout, aucune idée. Checkez vos sources, ça pourrait être notre description, juste dans le description de l'épisode. Alors on va parler de trucs un peu plus sérieux parce que ça va bien 2 minutes les conneries. On va parler de séries allemandes disponibles sur Netflix. Yeah. Ah, au Wunderbar. Parfaitement bilingue d'ailleurs. Au demeurant, je remercie Madame Rim, ma prof d'allemand de 4e et 3e, qui était une femme formidable. J'ai fait espagnol. J'ai fait italien. La casa de papel. Si. Ti amo. Mamma mia. Mozzarella. Mon niveau d'espagnol est vraiment à chier. Après 8 ans. Si, señor. Si, d'acuerdo. ¿Dónde está los servicios? ¿Dónde está burritos? ¿Faritas, la casa de papel? Mi casa, T.O.S. La madre de tu casa. La luna, el sol. Bon, je pense que c'était très régressif comme moment. On va parler de Dark. Oui, de. Alors, tu sais qui c'est? Le réalisateur? Oui. Le show. Friedrich Ulkrain. Alors, c'est Baran Bo Odar. Je suis désolé pour la prononciation si c'est dégueu. Donc, série allemande et Fanje Frise. qui est sorti le 1er décembre 2017 sur Netflix. Putain, mais ça fait longtemps en fait déjà. Ouais, mais on a mis longtemps à la regarder, ce qui fait qu'apparemment le mec, en plus le showrunner a dit, si vous regardez cette série mais vous faites des pauses, vous allez rien comprendre. Et j'ai pas compris tout. Déjà sans faire de pause. On a fait quand même des pauses et du coup... Je crois qu'on l'a regardé sur 3 ou 4 semaines peut-être, non? Enfin, on l'a vraiment étalé, alors que d'habitude on a tendance à enchaîner, tu vois, les épisodes. Et surtout que c'est vénère hein, quand même. Bah, ce dont on avait parlé avec Hugo notamment, c'est que comme on regarde en allemand sous-titré français et que moi par exemple je parle pas un mot d'allemand, bah du coup t'es vraiment obligé d'être dans un état de concentration quand même pour regarder l'épisode, parce que non seulement l'histoire est compliquée, mais en plus c'est en allemand, donc tu peux pas, c'est pas comme l'anglais où tu peux te permettre de décrocher, là tu peux pas décrocher parce que tu comprends rien. Et et du coup c'est dur d'enchaîner parce que tu dois vraiment le regarder les soirs où t'es prêt à te concentrer, et t'es pas tout le temps concentré le soir, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non mais moi je te comprends, moi j'ai regardé en français et c'était quand même assez dur. Chétane. Alors je suis une fervente de la VO, enfin j'essaye de m'y tenir en toutes circonstances, mais pour le coup l'allemand j'avais pas trop envie de m'y frotter et... Du coup, j'avoue que j'ai choisi la facilité de la VF et je trouve que ça allait, franchement, c'était pas trop dégueulasse. Je pense surtout que je n'aime pas me frotter à l'allemand en non-Twitter, c'est pas mal. J'avoue, je vais y songer. Pour éviter la drague d'un quelconque, une quelconque personnalité germanique. Ya. Yeah. En gros c'était quand même pas mal Dark, mais c'était un peu compliqué. Ouais. Bah attends, on essaie de faire le speech ou pas? Alors, enfin, le pitch. Victoire, tu as une minute pour nous faire le speech de la première saison de Alors, Dark. Top. Donc, ça se passe dans un petit village allemand en 2019. Y a un gars qui revient de vacances, mais en fait il était pas en vacances, il était dans un asile psychiatrique parce qu'en fait son père s'est suicidé 2 mois auparavant. Et là, il va commencer à se passer des trucs chelous dans la ville parce qu'en fait, il y a un des petits garçons de la ville qui a disparu. Moi, j'avais pas du tout expliqué ça comme ça et j'ai même pas compris l'histoire en t'écoutant. Bon, si, moi je trouvais qu'elle a raconté le début. J'ai raconté le début, ouais. Bah, je me rappelais plus de tout ça. Du coup, juste alors que toi t'as aimé Main de Poisson Rouge, moi, du coup tu m'accuses de faire des mauvais résumés. Non, pas du tout. Moi j'aurais plutôt dit que sur une base très ressemblante d'idées, même si certains diront le contraire, à Stranger Things, enfin on a quelques notions similaires. C'est complètement différent, ok. Mais ça commence aussi sur la disparition d'un enfant. Et après, des événements surnaturels, trois petits points. En quelque sorte. Ouais, enfin, dans Stranger... Non, mais attends, dans Stranger Things, il fait que disparaître. Dans Dark, c'est... On retrouve oui, les corps dans... il y a une histoire dans... de temps. Et puis, on retrouve les... Non, mais c'est toi. Alors, quand on invite des gens 7 E de T E podcast quand il y a Victoire, on invite des gens, elle leur dit de se taire et c'est... Victoire, il faut que t'arrêtes de faire ça. Les gens ils sont bah tu vois du coup ils tu m'as perturbé, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais me nachave comme on dit à Toulouse. C'est-à-dire je me casse. Bah non, ouais, c'est ton samedi. Vrai, non, oui, donc oui. Non. Non, en fait, oui, dans Dark, on retrouve surtout les. Le plus dynamique. Non, mais donc, c'est dans Stranger Things, les enfants disparaissent, mais dans Dark, non seulement ils disparaissent, mais ensuite ils réapparaissent et ce sont des cadavres horriblement mutilés. Enfin, Dark, c'est quand même un peu plus. Moi, que Stranger dans Stranger Things, en l'occurrence, il y a un cadavre qui réapparaît. Moi, c'est pour et ça il est que. Mutilé, c'est pour ça que j'ai dit que Dark, c'était le Stranger Things qui porte ses couilles. Non, c'est juste un Stranger Things allemand, mais les Allemands, ils sont. Barbara qui disparaît. Alors, Constance, c'est le moment où on dit des trucs racistes sur les Allemands. Mais justement, les Allemands, en fait, le truc, c'est que Stranger Things, c'est américanisé. Donc, ok, ah oui, c'est non, cool. Je suis d'accord, mais ça, c'est globalement européen. Ouais, c'est une autre idée encore, je trouve. Ça, c'est juste que ouais, du coup, le style est différent. Ouais. Okay. Bah, ils sont quand même plus cash, quoi. Ouais, les Allemands, il y avait des meurtres, il y avait des scènes très violentes, et tu vois. L'éclatage de tête d'enfant. Bah, on peut spoiler, on sait pas qui c'est par qui. C'est, bah, ouais, il y a un gosse qui se fait éclater la gueule à coups de pierre. C'était un peu. Enfin, il y avait des scènes qui étaient brutales. Ah, ouais. et même brutes, même dans les relations entre les gens, c'était beaucoup plus brut que dans un truc comme. Ouais, ils s'emmerdent pas de priorité. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, moi, j'ai vraiment été. J'ai adoré Stranger Things. Enfin, du coup, je suis pas objective du tout parce que j'ai eu un coup de cœur pour la série, mais c'est vrai que Dark est peut-être plus développé aussi, et plus aimé, honnête. Enfin, je sais pas comment. Non, mais après, c'est pas du tout la même chose. En fait, moi, je dis juste que dans le traitement de la série et des personnages, c'est plus violent dans Dark. Après, j'ai dit que ça partait sur une même base, mais après, ça diffère complètement. Non, puis même esthétiquement, c'est très très différent au niveau des décors, au niveau du physique des personnages, de la façon dont ils sont maquillés, tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du réel, qui se veut pas être une esthétique un peu fantasmée. Oui. C'est quasi documentaire dans la façon, les couleurs, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est très atypique, très beau à voir, enfin, une très belle photographie même... et une série intelligente qui mérite d'être vue, mais avec concentration, je pense. Comment tu parles bien, Constance ? Eh bien, je fais un effort, je fais un effort quand même. Et je suis d'accord. Et en plus, la musique, elle est vénère, par exemple. C'est quand même un 20 sur 20, moi, je dis. Et t'as reconnu que le générique de début, c'est une musique que t'entends dans Breaking Bad ? Ah bon ? Non. Non, moi j'avais pas capté, mais tu m'as même pas dit. Mais si, à quel je te moment l'ai dit en plus. La musique de générique de Dark, c'est le thème de Gus de Breaking Bad. C'est quand il rentre dans l'hospice. À la fin. Ouais, à la fin, pour affronter mec dans son fauteuil roulant là. Le moment où il sort de la voiture, enfin il est dans la voiture et il sort de la voiture pour rentrer dans le truc, c'est cette musique là. Ok, bah à regarder parce que. N'empêche, on est un podcast. Là, on a 25 minutes d'enregistrement. Le mec, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui savent ça, tu vois. On est un podcast à haute teneur culturelle. C'est pour ça que je vais arrêter de nous mettre en comédie et nous mettre en culture. Très bonne idée. Il y a aussi moins de podcasts. Mais peut-être que les gens n'aiment pas la culture. Peut-être que les gens ils veulent juste rire, Hugo. Ouais, on n'est pas drôle. C'est vrai qu'on n'est pas drôle. Allez, on enchaîne. Allez, on n'est pas drôle. Alors globalement, est-ce qu'on dit d'aller de regarder Dark? Bah oui. Oui. Oh bah oui. Hein. Puis en plus, en allemand, faites pas comme Constance. Hein. Écoutez, si le français vous permet de mieux comprendre la série, moi je vous conseille quand même de regarder en français. Mais ça marche pas en allemand. Le français permet forcément de mieux comprendre la série. Mais tu perds tout. Mais tu perds beaucoup de choses, je pense. Mais non, mais par exemple, moi, j'ai regardé des séries espagnoles en espagnol. La et c'est vrai que... C'est vrai, bah, notamment et aussi la Chicas del Cable, mais c'est pas la question. Et c'est vrai que tu rentres plus dans le monde de la série en regardant la langue de base, mais bon. Bah, moi j'ai dû vraiment me forcer parce qu'en plus au début ça s'était mis en anglais sous-titré français. Et moi j'avais pas capté, ça me paraissait normal. Et Hugo il dit, mais attends, les voix sont pas du tout synchronisées avec les lèvres. En fait c'est en allemand. Et effectivement, et au début je me suis dit, oula, se mettre allemand alors que moi je parle pas un mot, tu vois, j'ai fait italien, donc j'y connais rien du tout à l'allemand. Et en vrai, finalement, ça allait, tu vois. C'est juste que je comprenais pas quand il parlait, j'avais besoin des sous-titres, mais... Bon. Non, mais ouais, je comprends. Après, pour le coup, beaucoup de films allemands, je crois, ne sont pas traduits en allemand, parce que plein d'Allemands sont habitués à aller au cinéma en anglais. Donc pourquoi la série en allemand, je ne sais pas. Bah, parce que c'est une série allemande avec des acteurs allemands. Oh oui, bah, c'est sûrement ça. Ils prennent juste pas la peine de doubler les films étrangers américains. Si, y'a. Mais après, voilà, pour le coup, aucun regret. Ça reste une très bonne série en français ou en allemand. Alors, moi aussi, je recommande. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé aussi un jeu des acteurs qui est un peu plus brut et un peu plus direct que dans la plupart des productions américaines. Et ça n'a peut-être rien à voir, mais du coup, moi, ça m'encourage aussi à regarder des séries qui soient pas forcément anglophones ou même hispanophobes, tu vois. Genre, par exemple, là, il y a bientôt, il y a Netflix qui est en train de faire la promo de The Rain. C'est une nouvelle série qui est danoise. Mmh. Apparemment, c'est un thriller et tout. Et ben, du coup, tu vois, maintenant que j'ai vu Dark en allemand, je pense que là, si on devait regarder cette série-là en danois, sous-titré français, tu vois, bah... Je suis peut-être plus ouverte du coup. Et en plus, on va sûrement regarder aussi Millennium en suédois. Ah oui, parce que j'ai lu le livre il y a pas longtemps. Voilà, j'ai enfin lu Millennium tome 1. Incroyable. Moi, 15 ans après tout le monde. Moi, j'ai décroché au tome 2, donc j'ai pas fini la trilogie. Moi, j'ai lu le 1, donc on pourra faire une adaptation dessus. D'ailleurs, je trouve ça complètement honteux qu'il y ait un écrivain qui ne soit pas celui de base qui continue là, qui vient de sortir un cinquième ou sixième tome, je ne sais pas. Cinquième. Bon, pourquoi pas. Bah oui, mais figure-toi que notre père l'a acheté, ce livre. Bah moi, ça me donne pas du tout envie, quoi. Enfin, imaginez, J.K. Rowling meurt après Harry Potter 4 et bam, il y a quelqu'un qui se met à écrire la suite. Et meuf, c'est ce qui va... C'est ce qui... Non, je pense que J.K. Rowling, en fait, elle prépare déjà ça avec une armée d'avocats. Mais en vrai, c'est parce que le mec, il n'était pas préparé, il s'attendait pas à mourir juste après. Mais sinon, il aurait jamais laissé l'autorisation, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Hugo ? Dans ces cas-là, franchement, j'en sais rien, je crois que c'est une bataille judiciaire énorme. Je vois pas comment un mec pourrait accepter qu'on continue sa trilogie, quoi. Je pense qu'il avait pas prévu de mourir, et c'était peut-être pas prévu dans le testament, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est bizarre. Rien, on peut être sûr que là, tu vois, tu donnes l'exemple de J.K. Rowling, mais J.K. Rowling, tu peux être sûr qu'on n'aura pas le droit de toucher à Harry Potter, c'est mort. Ouais, mais le droit est une affaire très compliquée et... Bah là, il y a bientôt l'histoire de Mickey Mouse, d'ailleurs. Oh bah oui, avec la question de droit... Ouais. Mickey Mouse, il va bientôt tomber dans le domaine public et c'est un problème. Parce que du coup, ça voudrait dire que n'importe qui peut faire des dessins animés Mickey ou des trucs Mickey, tu vois. J'ai entendu cette histoire il y a plusieurs années et je me demandais comment ça s'était terminé. En fait, la Walt Disney Company, elle avait réussi à obtenir un délai de prolongation. Okay. Mais juste de quelques années, tu vois, genre 10 ans ou quoi. Et du coup, là, l'échéance arrive, quoi. Dur, coup dur. I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me. Torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation. The stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. pour la Disney Company. On passe au sujet suivant. On va rester dans un sujet léger, dans un sujet facile à discuter. On va parler de Nathalie Portman avec des guns. Je vous présente Annihilation. Ah bah qu'est-ce qu'on se marre. Putain, faites de l'humour. C'est très bien, bon. On coupera au montage. Trois petits points. On va parler maintenant de Annihilation avec Nathalie Portman. Sensualité. Ok. C'est une transition comme une autre. J'étais pas préparé pour cette transition. Ouais, bah, sensualité dans ce film, pas tellement. J'aime beaucoup Nathalie Portman. Dans n'importe quel de ses rôles, quoi. Oui, j'accepte tout. Même les pubs à la télé. En ouais, même temps, elle fait pas des pubs dégueu, elle fait des pubs dures. Oui, c'est vrai. C'est un argument. Bref, on repasse au film Netflix que je n'arrive pas à prononcer. Ah ouais. Non, non, mais tout à l'heure, elle a dit Annihilation. Annihilation. Ouais. J'ai vu Annihilation, c'était très bien. Avec Nathalie Portman. Natalia Portman. Nathalie. Je n'accepte plus ce genre de blague. Alors, réalisé par Alex Garland, qui a écrit et réalisé Annihilation, qui a aussi réalisé Ex Machina. Que je n'ai pas vu. Mais qu'il faut que je vois aussi. Ouais, moi non plus, je l'ai pas vu. Mais apparemment, qui est très bien et oui. Son deuxième film était très attendu du coup. Exactement, exactement ça. Exactement ce que j'allais dire. Tu veux prendre mes notes ? Oui, je vais m'en occuper maintenant. I take the lead. Alors, qui c'est qu'on voit dans Annihilation ? Visiblement Nathalie Portman. Et Oscar Isaac, que je sais que, genre, il y a au moins deux filles dans cette pièce qui kiffent Oscar Isaac. Et en fait, tu savais qu'il était latino ? Moi, il me fait penser à Pio Marmaille. Qui ? Pio Marmaille, un acteur français. Qui joue dans pas mal de films, dont Le Premier Jour du Reste de ta Vie. Ah, le grand frère. Ouais, vaguement. Peut-être. Voilà. c'était la petite parenthèse. Alors, Alex Garland qui a aussi scénarisé 28 jours plus tard. Oui, film avec des singes. Boyle. Non, rien à voir. Moi, je l'ai des pas zombies. Vu. Ouais, mais c'est pas ça, loin, ça, zombies, je pense que ça part d'une histoire de singes, non? Je sais pas. Je pense que ça part, enfin, c'est à cause d'un virus sur un singe que ça commence tout ça, mais à confirmer. À confirmer. En tout cas, voilà, de Danny Boyle et aussi Sunshine de Danny Boyle. Je pense que je connais juste le Dog Millionnaire de lui, mais. Mais c'est Danny Boyle ? Danny Boyle. Bah oui. Ouais. Ah, ok. Non, mais Sunshine, moi je trouvais ça nul à chier. Il y en a qui disent que c'est du génie. Le sujet est partagé. C'est quoi le pitch ? Alors, Constance va nous résumer Annihilation en une minute. Merci. Oh, tu m'as pas donné le temps de me préparer. Alors, Annihilation, c'est l'histoire d'une femme biologiste, professeure dans une école, dont le mari est à l'armée et travaille sur des missions dont on ne sait pas trop de quoi il s'agit et qui a disparu depuis un an. Donc, il réapparaît, il est silencieux, bizarre, bref. Ça nous mène à une histoire de zone qui est créée de on ne sait pas trop quoi, un peu étrange, surnaturelle, dont toutes les personnes qui sont allées sont mortes, ne sont pas rentrées, à part le mari donc, de Nathalie Portman, le personnage principal, qui revient, qui est plutôt dans un sale état entre la vie et la mort. Donc Nathalie Portman avec trois autres femmes, chacune experte dans un domaine différent, utile pour la survie dans la zone, décide de partir en expédition dedans pour comprendre ce qui a pu se passer. Eh ben, c'est un très bon résumé. Voilà, c'était peut-être plus d'une minute, mais non, je pense qu'on a été dans les temps. Non, on a eu le temps. Excellent. C'est... Alors, je vais placer quelques trucs quand même, parce qu'il faut que je montre que j'ai préparé cette émission. Déjà, Alex Garland s'est quand même pas mal battu pour garder ce scénario. À la base, c'était pas du tout la Paramount qui produisait du coup, enfin qui distribuait le film, faisait pression pour avoir quand même une fin un peu plus compréhensible. Ah ça. Oui. Ouais. Ah mais oui, je l'ai lu. Et Alex Garland, il leur a dit de non, enfin, que ça irait. Et d'ailleurs, il a été soutenu par un autre producteur qui est habitué des films qui marchent pas très bien. J'ai oublié, mais j'en ai vu qui. Et en fait, le film a été distribué au cinéma. Aux États-Unis. Aux États-Unis, au Canada et en Chine. Et en France, il est sorti directement sur Netflix. Bah, dans les autres pays où il y a Netflix, en fait. Il a été racheté par Netflix. Mais je crois qu'en fait, le film, il a bidé aux États-Unis. Enfin, peut-être pas bidé, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès au cinéma. Moi, je pensais en fait, que c'était une production originale Netflix, en fait. Je savais pas que c'était... Ça a été racheté ensuite, et en fait, c'est que ça n'a pas marché dans les projo-tests. C'est-à-dire qu'ils ont fait des projo-tests, et c'était une catastrophe. En France, les projo-tests Non, aux États-Unis. Okay. Et en fait, du coup, ils ont dit, oulala, on va le mettre sur Netflix. Enfin, en fait, Netflix en a bien voulu, et l'a racheté, je suppose, à un prix... C'est vrai que ce film est un peu particulier, mais moi je l'ai vraiment apprécié parce que pour le coup c'est quelque chose de différent et c'est vrai que des fois... Ouais, mais est-ce que t'aurais été le voir au cinéma? Bah non, justement, ce qui est vraiment sympa c'est que c'est sur Netflix et je trouve que bah, du coup pour un film Netflix c'est plutôt qualité, mais c'est vrai que du coup c'est... Ouais, et c'est là tout le problème, c'est que... déjà moi il n'y a aucun film où je paye 12 balles, mais moi c'est un prix que je peux pas payer encore. 12 balles pour un film, c'est... Je comprends pas. Bah, quand tu vas au cinéma. Tu sais, quand tu payes le plein tarif, Hugo, il est plus étudiant. Mais c'est moins de 26 ans. Ah, d'accord, pardon. dans certains cinémas, déjà pas tous. Et c'est bientôt fini. Ok. Et d'ailleurs, il faut qu'on aille au théâtre tant que t'as pas 26 ans. Ils font des prix spéciaux. Toutes mes condoléances. Moi aussi, j'ai peur de cette échéance, mais j'en suis encore un peu loin. Ouais, mais bon. On fait avec le podcast qui vous fait... ouais, et globalement, qu'est-ce qu'on en a pensé, Victoire? Non, moi je me souviens plus, je pense, de la moitié du film. Ouais, t'étais un peu fatiguée. En fait, on l'a regardé en deux fois. Ok. Et je pense que c'est dommage déjà. Ouais, mais je me suis à moitié endormie comme une merde devant. Et je ne suis pas fière, hein, je suis pas fière du tout, mais je pense que je me souviens de la moitié du film en fait. Bah après moi le film en fait ça m'a fait rentrer un peu tout au long dans une sorte de tension progressive et no spoilers mais enfin, du coup je pensais qu'à un moment j'allais vraiment être au comble de cette tension et finalement on attend un truc qui n'arrive pas vraiment. Il y a quand même des rebondissements etc mais je pensais que ce serait pire en fait. Après il y a des moments qui font stresser un peu quand même. Ouais du coup les j'étais stressée. Ouais, moi j'ai eu peur. Hein. C'est vrai. Moi, je pense que ça va spoiler. On s'en fout. On va toujours spoiler un peu dans cette émission. Le monde, la créature là, qui Parle gueule, elle fait. Oui, enfin, c'est mon... chaud ça. J'étais un petit peu stressé. J'ai pas compris. Vous savez à quoi ça m'a fait penser cette scène là? Au frère Grimm. Tu sais la scène où il y a le monstre littéral, la petite fille. Tu vois la petite fille au fond qu'elle hurle. Ça m'a fait penser à ça cette scène. Ouais, c'est vrai que c'était un peu étrange, mais particulièrement marquant et bien trouvé. C'est encore plus bizarre, parce qu'en fait, c'est la bête, c'est devenu son cri. C'est devenu son cri. Parce qu'en fait, quand il a tué l'autre, là, il y a une partie... Ouais, il lui a bouffé la gorge, en fait. Il y a eu un problème, il y a eu un transfert d'ADN. Et en fait, il a absorbé un truc de la fille. Oui, mais c'est juste que du coup, tu sais, moi, comme cette scène, elle me faisait penser au frère Grimm. Ouais. Du coup, je sais pas, j'avais l'image de la meuf qui hurlait dans son gosier. Du coup... Je suis passée un peu à côté de l'angoisse vraiment de, ah ouais, non, de cette scène. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Moi, ça m'a fait penser à la petite sirène un peu Ursula qui prend la voix de Ariel. C'est un peu le concept, mais version un peu plus flippante. Un peu plus. Mais très bien trouvé, vraiment. Alors... Du coup, le coup de l'ours avec la voix des personnes qui tuent, et en l'occurrence qui sont les femmes qu'on voit dans le film, pour que vous compreniez un peu plus le contexte. Quitte à faire un spoiler, autant aller... Oui, ouais, globalement, enfin, les femmes, elles vont disparaître les unes après les autres, quoi. Except the great Natalie Portman. qu'on reçoit d'ailleurs ce soir. Hello! I'm Natalie Portman, and I'm here to present Annihilation. Je sais pas faire la chose. Annihilation. Annihilation. Finalement, on a eu Léa Seydoux à la place. Pour la méchanceté gratuite. Non, pas tout à fait. On y va. On est fan du bashing sur cette femme. Oui, allez. Ouh. On peut se lâcher. Annihilation. Moi, globalement, j'ai bien aimé. C'est joli. Histoire, elle est pas mal. Tu vois. Il y a des trucs qui sont un peu laissés en zone d'ombre, hein, quand tu puisses imaginer. Et c'est joli, mais il y a des trucs... Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Quoi. C'est complètement what the fuck. Et plus on arrive vers la fin, plus ça n'a aucun sens. Bah, moi, je trouve que c'est justement à la fin où limite. Moi, à la fin, j'ai compris. Moi, il y a une meuf qui vomit, et c'est le moment où elle vomit la lumière là. Je vous parle du moment où elle arrive à la grotte. Hein. Pour moi, ça, c'est la fin qui n'a aucun sens. C'est pas une grotte, c'est un phare. Un phare. c'est une grotte. Ah, je confonds toujours les deux. Suis la grotte qui te montre le chemin là. Avec de la grande lumière là. Non, mais c'est une grotte dans le phare. Oui, c'est vrai que c'est une grotte dans le phare. Mais j'ai trouvé que. En fait, moi, c'est le moment où ils se disent. Alors, il y a une zone, c'est au début, hein. Il y a une zone, on sait pas, mais c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est pas ce qui se passe, mais globalement, quand on envoie des gens, ils reviennent pas. Du coup, on envoie juste 5 meufs avec des guns. En sachant que. C'est-à-dire zéro protection. Elles ont zéro choisi combi. D'y aller, c'est pas on non. Les envoie, elles ont choisi d'y aller quand même. Ouais, non, mais moi, d'ailleurs, ça, justement, j'ai trouvé que c'était pas clair dans le film. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Ouais, grave. Je veux dire, pourquoi diable? Les autres nanas, parce que Natalie Portman, bon ok, on a compris, elle est vénère. Mais les autres nanas, pourquoi elles vont dans cette zone? Déjà, il y en a une qui a un cancer, donc elle en a plus rien à foutre. Ouais, mais les autres, bon. Mais c'est vrai que les autres, c'est pas trop compréhensible, après... Mais surtout qu'elles sont, pas du tout... Elles veulent sauver le monde. Littéralement, on leur donne des fusils d'assaut, c'est tout. Non, mais il y en a peut-être une qui était dépressive, là, celle qui est jouée par Tessa Thompson. Ah Valkyrie oui, cette fille était morte. Au final, au fur et à mesure que le film avance, on apprend des nouvelles, quand même, des nouvelles informations sur les personnages. Et même au final, la fille qui se transforme en fleur, elle aussi, elle a un passé un peu sombre comme ça. Il y a une meuf qui se transforme en fleur. Ouais, ça, j'ai zappé. C'est qui? Est-ce que vous vous rappelez l'endroit où ils arrivent et qu'il y a toutes ces fleurs en forme d'humain? Bah, à la fin, il y en a une, elle raconte son histoire, mais j'avoue que je sais plus du tout ce que c'est. Et du coup, et là, elle commence à avancer, ou alors elle est possédée, je sais plus. Elle se met à avancer et là elle se transforme en fleur. Je pensais qu'elle disparaissait juste. Non, elle s'est transformée en fleur. Et en fait, c'est vrai que c'est très subtil parce que Natalie Portman elle sort, elle la suit et elle regarde une fleur quoi. Mais c'est vrai que toi tu peux penser qu'ils montrent juste les fleurs une dernière fois, mais non, c'est parce que c'est elle qui s'est transformée. C'est vrai que c'est pas clair. Ah, j'avais pas vu ça. Mais j'avais pas compris du tout. De rien. Mais en plus, on n'a pas vu cette scène deux fois. Si, je pense en plus. Si, on l'a. Bah écoute, on la regardera la troisième fois. Moi j'ai pas du tout compris. C'était nul. On est nul. Hein. Globalement, on est nul en analyse de film. Bah, heureusement qu'il y a Constance, elle relève le niveau du débat. On n'a plus sais. Aucune. On peut plus rien dire quoi. Mais en fait, moi je suis très fan de ce genre de film un peu, entre guillemets pour celui-là, apocalyptique, parce que c'est un peu si la zone elle se propage, c'est la fin du monde. Ah, c'est donc c'est un peu l'idée. Et. Enfin, ce type de film, c'est vraiment la base du teen movie de base aussi. Enfin, là, il faut que tu décrives un peu plus parce que c'est pas quel teen movie. Là, tu dis qu'Annihilation, c'est un teen movie. Ouais. Non, enfin, mais ça pourrait, enfin, quasi parce que bah, moi, je regarde que des films comme ça en ce moment sur une fin du monde quelconque et souvent c'est avec des ados quoi. Après, là, en l'occurrence, c'est avec des adultes, c'est plus sérieux. Ça mais pourrait être avec c'est des une ados, idée de base quoi. Enfin, du coup, j'aime bien ce type de film. Ok, bah, ça se défend. Voilà, comme The Undead, Seul, La Cinquième Vague. Sachant que The Undead, ça a vraiment augmenté de qualité. Alors, ouais, là, je vous parle vraiment de la saison 1 du début. Mais là, je crois que ça se veut quand même un peu plus serious business que The Undead, quoi. Ah oui, non, mais rien à voir, mais ça, c'était juste pour dire que l'idée de base, le scénario apocalyptique, ça me plaît, mais sans que ça parte. J'ai parlé du teen movie parce que parfois ça part sur la fin du monde, Cloverfield, etc. Et ça, c'est encore différent, je trouve. Est-ce que t'as vu Ten Cloverfield Paradox? Ah, oui. Oui. The Cloverfield Paradox. Le Netflix, ouais. Affreux. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Ouais. C'était un alien bizarre, rien à voir avec Cloverfield. Fin... Et au début, tu crois que ça va être bien. Et au bout de 15 minutes, tu fais « Ah, non ». Vraiment, c'était d'une longueur, mais... Et t'as vu le moment où ils sont tout au début dans la grande salle de contrôle, quoi. Et il y en a un qui écoute une série, enfin, c'est pas quoi, un truc télé, là. Et t'as une interview, genre, il y a un mec qui dit « Oui, alors, avec le Cloverfield Paradox, en gros, c'est bien, mais ça pourrait libérer, genre, des démons avec une faille spatio-temporale. » Et en fait, c'est genre en fond, mais quand tu regardes en sous-titré, il te sous-titre le texte. Ah non, du coup, moi, j'ai... Ah, t'as rien en français? Bah, je m'en rappelle plus, non, je sais pas. Et en fait, il y a vraiment toute une scène où t'as les sous-titres d'une émission qui parle en fond et en fait qui est en train de te raconter le film. Ah, ok. On te parle de failles temporelles qui peuvent envoyer des démons et en fait, c'est littéralement ce qui va se passer dans le film. Et c'est genre, t'es là. Ah. Et quand ça commence à arriver, tu fais. Ah. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais alors, tu l'as pas vu, Victoire? C'est, non. C'est une sorte de préparation paiement de merde. Juste de merde. De grosses chiasses. Bah c'est juste, j'ai trouvé que ça avait rien à voir avec Cloverfield. Je sais pas si c'est censé avoir. Enfin. Annihilation. Parce que c'est joli, quoi. Alors, globalement, Annihilation, on recommande, même si on comprend pas grand chose. C'est à voir, quoi. Voilà, c'est joli. Et puis, faites-vous votre propre opinion, en fait. Oui, puis voilà, il y a plein de théories. Voilà. Non, on est vachement. Non, parce que c'était de la merde, on dirait, perdez pas votre temps, regardez autre chose. Ouais, mais ouais. Là. Donc, c'est quand même, faites-vous votre propre avis, mais voilà. C'est plutôt de qualité. Il y a un minimum de qualité. Mais vous avez. Enfin, les gens ont le droit de pas aimer ou. Ils n'ont aucun droit à Victoire. C'est effectivement, c'est pas un AV, ça c'est clair. Mais je pense que. Bah, la façon dont tu le présentes, tu le vends super tu bien. Tu le vends pas super c'est, bien. C'est pas non, un AV déjà. Non, mais je veux dire, c'est dans le sens où c'est un film où je pense que vous perdrez pas votre temps en le voyant. Mais ok, il y a une qualité, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de l'aimer, tu vois ce que je veux dire? Enfin. Oui, ah oui, oui. Si vous n'aimez pas, on veut bien d'ailleurs savoir pourquoi. La qualité n'induit pas qu'on est obligé d'aimer, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bah voilà. Alors, maintenant, on va vous parler encore d'une autre série Netflix, parce que visiblement, d'ailleurs, si on veut nous sponsoriser, par exemple, on se vend à n'importe quelle marque capitaliste, il n'y a aucun souci. Parce que c'est la troisième série Netflix dont on va parler ce soir, qui est The End of the Fucking World, qui est sorti le 5 janvier 2018 sur Netflix, réalisé par Charlie Covell, je sais, j'arrive pas à me relire, Covell, je pense, avec Jessica Bardem et Alex Lowes. C'est la fille de Ravière ou pas du tout? Non, je pense non, pas. Non, ça s'écrit pas pareil. Elle serait typée. Ok. Et qu'on a vu notamment cette dame dans The Lobster. Et dans Penny Dreadful. Ouais, je savais que t'allais phaser Victoire. Attends, elle joue qui dans Penny Dreadful? Alors, j'ai noté, elle joue Justine pendant 6 épisodes et je ne sais pas qui c'est. Je n'arrive pas à me souvenir. Je vois pas du tout qui c'est. Mais voilà, elle joue dedans. Et lui, qu'on a pu voir dans Imitation Game. Il jouait qui? Le Alan Turing quand il était jeune. Ah. Et qu'on a vu aussi dans Black Mirror. Voilà, voilà. Ah, c'est le pédophile, l'adolescent pédophile. Non. C'est pas lui. Bah, dans Black Mirror, il joue quel rôle? Le mec qui se fait blackmailer là. Bah oui, parce qu'il regardait, il doit faire des, il est à la merci de ses hackers. Ouais. Oui, bah à la fin, c'est parce qu'il se branlait devant du porno, pédoporno. Ah, mais en fait, c'est. Je crois que j'ai arrêté avant la fin. Ah, bah, je t'ai spoilé. Il m'a fait chier cet épisode. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai pas bah trop. Bah, du coup, il avait un peu de profondeur en fait, au final. Ouais. Bah, non, moi, je trouve ça incompréhensible qu'un adolescent se branle devant ça. Enfin, il était jeune déjà. Enfin, j'ai pas trouvé ça crédible. Ah, y'a que les vieux qui sont pédophiles. Je trouve ça bizarre. Bah, ouais, non, mais j'avoue, bah oui, non, mais je suis peut-être trop fermé d'esprit sur la question. un peu d'ouverture, je ne sais pas, je suis pas concerné. Je suis très gênée. Pour en revenir à la série de base. Alors moi j'en avais parlé dans le dernier épisode d'After Eight en disant que j'avais envie de le voir et que c'était un des trucs que je voulais voir et qui m'intriguait et je suis pas déçu mais bah, c'est pas non plus oufissime quoi, je veux dire c'est sympa mais c'est pas waouh à chaque épisode quoi. C'est vrai que c'est un peu plat. Ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux pour peut-être En fait c'est heureusement que c'est 8 épisodes, je trouve que du coup le rythme il est assez soutenu parce que c'est 8 épisodes mais en même temps des fois ils prennent leur temps quoi. J'ai trouvé que ça se regardait bien, après ce que les gens ont apprécié c'est l'honnêteté, la réalité des personnages enfin. Ouais. Oui, la réalité des personnages, oui, bon. C'était quand même, ils donnaient quand même un style les deux personnages. C'est, enfin, c'est honnête, mais c'est pas non plus n'importe qui est comme Victoire ça. Victoire, elle rage ce soir. Mais voilà, enfin, C'est non, bah ça, c'est une série de merde quoi. Hein. Ça prétend pas. À... Enfin voilà, c'est leur vie quoi. C'est... Non mais ok. Bon, non mais en plus, moi je suis plutôt Team Constance là. Moi je trouve que sincèrement, ça s'est bien regardé, j'ai bien aimé. Ah bon, non, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, je veux dire, de là à dire que. De là à dire que c'est, ça représente la réalité alors que les deux. Non, ça représente. Ce sont, pas, ce sont des cassos totales les enfants quand même. Non mais je veux dire que. Oui, ok, mais en tout cas, ils montrent quelque chose au début et au final ça se détaille et on voit qu'ils ont des sentiments, qu'ils sont jeunes, qu'ils savent pas trop. Ouais, qui partent en couille finalement. Ouais, voilà, enfin. Je trouve ça sympa à regarder en fait. Bah moi j'ai bien aimé. Alors que. Moi le premier épisode m'a pas convaincu. Mais neuf. C'est à la fin du deuxième où je me suis dit... Moi, c'est même moi, les deux premiers, voilà, je me suis dit bon, et puis... J'ai... Ouais, et après, je trouve que ça se met bien dedans. Et après, pareil. Tout pareil. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé regarder. Et en fait, ce que j'ai justement aimé, qui m'avait pas plu au début, c'était que justement, quand je parlais qu'ils se donnent un genre, en fait, les premiers épisodes, ce sont deux personnages qui se donnent des genres. Et que finalement, il y a leur vraie personnalité qui apparaît au fur et à mesure. Qui reprend le dessus. Et ça, c'était bien, quoi. Parce qu'au début, moi, j'ai eu peur, parce que je me suis vraiment dit, ce sont deux clichés ambulants. Et finalement, c'est vrai qu'ils montrent un peu une vérité, mais c'est vraiment à la toute fin, quoi. Après, c'est une série, moi, je pensais que chacun est comme il est, et qu'au final, ils se découvrent comme nous. En fait, on pourrait peut-être se donner un genre, et ensuite évoluer et grandir. Donc c'est pour ça qu'ils sont vrais, pas dans le sens qu'on a le même vécu qu'eux, mais c'est juste qu'ils traversent les mêmes phases que nous en fait. Et c'est justement ça qui donne un côté très attachant. Alors dans une moindre mesure, si je pouvais faire un parallèle avec un film qui prend ce concept là et qui l'emmène un peu plus loin, ça serait sur The Devil Rejects de Rob Zombie. Je l'ai pas vu. Ben, je vous le recommande. Alors Constance, je pense que ça peut t'intéresser. Il y a peu de chances que Victoire l'aime bien. Mais globalement, c'est en fait un film de Rob Zombie qui est basé sur un... Je crois que c'est une suite d'un de ses premiers films que j'ai pas vu parce qu'apparemment, c'est nul à chier. Mais le Devil Rejects, c'est en fait... tu suis une bande de psychopathes, tueurs, nécrophiles. Je crois que tu m'en avais parlé, ça. Ouais. Ah ouais, non, moi, jamais de la vie, je regarde dans une famille un peu chelou. Genre, il y a les parents et le gosse. Et une famille, en fait, de tueurs. Et tu les suis, et c'est vraiment très troublant, parce qu'en fait, c'est vraiment eux les personnages principaux, avec leur vie comme ça, mais du coup, t'as un espèce d'affect à un moment, tu t'attaches, okay. Et du coup, t'es choqué de t'attacher, en fait, il y a un truc, et ils jouent beaucoup là-dessus. C'est un film, une série ? C'est un film, okay. Et je dirais pas que c'est parfait, mais c'est pour le coup assez subversif. Ok. C'est-à-dire que t'as pas l'habitude de voir ça. Quoi. Bah, je le regarderai avec plaisir. Mais il n'y a pas de zombie dedans. Non, Rob Zombie, c'est juste le nom du réalisateur. Ok. C'est d'accord. Un mec qui fait de la musique aussi. Ok. Et qui fait pas. Des films chelous. Et j'ai un peu retrouvé ça dans The End of the Fucking World, dans le sens où tu suis des gens qui sont quand même extrêmement antipathiques. C'est vrai que personnellement, je trouve que la fille est vraiment insupportable. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. Bah, même. Même le garçon. Bah, le garçon, au début, quand même. Ouais. Après, je pense que là, du coup, on est sur une vague sur Netflix où il y a plusieurs séries du même style, entre guillemets, qui vont sortir sur des ados qu'on voit sous leur vrai jour, entre guillemets, une série qui va être un peu réelle de niveau sentiment. Ouais, ils essayent de se placer peut-être sur un créneau teen série. Teen est moins jeune, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent regarder ça jusque 35 ans, quoi. Bah oui, non, mais c'est toujours le même format, 20 minutes, 8 épisodes. On a Everything Sucks, on a On My Block, une série qui vient de sortir il y a quelques jours, et c'est le même format de personnes qui sont quand même vraiment plus jeunes que nous, parce que ils ont 14, 15, 16 ans. Ouais, ils essaient quand même de se placer sur un créneau entre ça et Riverdale. Riverdale, c'est ce qui marche en ce moment. C'est plus ado quand même. Enfin, c'est plus cliché. Et la saison 2, elle est longue, hein. Ouais, c'est impressionnant quand même. D'ailleurs, Constance, elle a vu le nouvel épisode et pas nous. Donc, il y en a qui discutent le choix des producteurs de faire 22 épisodes au lieu des 13 habituels. Parce que, oui, du coup, on va dans les longueurs. On a des épisodes qui sont bâclés parce qu'il faut en sortir à la chaîne. Et le public de Riverdale le ressent et n'apprécie pas. Et... trouve que c'est beaucoup trop centré sur les personnages principaux, qu'on en oublie les personnages secondaires, etc. Non, c'est... Enfin, moi, je... Heureusement, en fait, limite que c'est à la semaine. Parce que si tout était sorti d'un coup, je pense que j'aurais jamais regardé tout ça. Quoi. J'aurais dit, bah non, 22 épisodes. Ah oui, non, mais ça aurait été beaucoup trop accablant. Un par semaine, ça va, en fait. Ouais, moi, ça me fait plaisir. C'est l'épisode de la semaine. C'est en général, on regarde ça le vendredi soir. C'est notre Riverdale de la semaine, tu vois. Mais moi, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal avec le concept de Netflix de sortir 13, 8, je ne sais combien d'épisodes d'un coup, en fait. Je trouve ça vraiment... Moi, je trouve ça bien. Ce genre, en vrai, quand tu y réfléchis, c'est archaïque de devoir attendre un rendez-vous par semaine pour un épisode. Non, mais tous les deux jours. Mais là, moi, j'en ai 13 qui me tombent d'un coup. Et alors, c'est pas grave. Alors, personne te met la pression pour les regarder tout de suite, Constance, je veux dire. Et surtout, s'ils sortent tout d'un coup, c'est surtout pour voir comment regardent les gens. C'est-à-dire à quelle fréquence, quels sont les pics. Mais ça me met la pression parce que je me dis, si je regarde pas 4 d'un coup, est-ce que la série va être annulée à cause de moi? C'est limite ça, en fait. Et ils basent beaucoup de calculs là-dessus. Je savais pas et ça. Et en fait, ils étudient le comportement de comment regardent comment les gens regardent les épisodes. Et en fait, après, dessus, ils calquent un format de scénario. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, qu'au milieu de l'épisode 2, il y ait le pic, parce que c'est là où les gens, il y a plus de gens qui regardent, et du coup, ils vont créer un truc qui donne envie. Et ça modifie même la structure de des séries. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc qui... En fait, ils pompent énormément de données comme ça. Et c'est normal, parce que c'est leur service. Et du coup, après, ils étudient ça. Et en fait, ils font des séries qui sont optimisées. En tout cas, ça donne énormément la pression à certains acteurs. Enfin, il y a une polémique sur Twitter il n'y a pas longtemps sur une actrice qui demandait aux personnes de regarder au moins 4 épisodes de sa série, sinon il n'y aurait pas de saison 2. Donc je trouve ça quand même un peu moyen quand même. Bah oui, mais en même temps, on est quand même à une ère où il y a énormément de contenu qui sont proposés. Enfin, faut faire quand même un minimum de sélection. Je veux dire, est-ce que t'imagines, cela, il y a quand même énormément de séries qui sont disponibles et qui sortent tous les jours. Mais alors, imagine du coup le nombre de séries qui ne voient pas le jour. Il doit y avoir une sélection énorme qui est faite, parce que sinon, là, on serait encore plus floudé qu'on ne l'est actuellement. Je veux dire, là, moi, toutes les semaines, j'ai un ping pour me dire qu'une nouvelle série vient d'arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc déjà, je pense qu'il y a une énorme sélection qui est faite, et si... Et c'est normal que Netflix et compagnie, ils fassent ça, parce qu'ils produisent comme à fond de balle. Ils sortent des nouveaux contenus tout le temps, Netflix. Oui, c'est vrai. Et il y a plein de trucs que je voulais regarder, que j'avais même pas pu regarder, et que je me suis pas fait chier pour autant. Genre Ozark, à un moment ça m'a intéressé, je sais même pas si c'est sorti. C'est vrai, on a même pas exactement regardé. Pareil. Moi ça m'a donné envie un moment, et puis plus tellement en fait. The OA. Ouais, c'est ça, me donnait pas trop envie. Ouais, mais ça a l'air vraiment nul. Ouais, mais ça avait fait un maxi buzz. Chez nous, ça pitch. Il y a un an, quoi. Non, mais c'est vrai, pourtant. Il y a un an, c'était la série qu'il fallait regarder. Je me dis, je vais commencer, ça a l'air de super bien marcher. Et ça me... Et finalement, peut-être qu'il y a aussi une question de temporalité des séries. Il y a des séries, une fois que t'as passé quelques mois, tu les recommenceras plus jamais. C'est vrai. Et vous c'est savez. C'est fatidique tout ça. Vous savez, ceux qui recommencent toujours, mais qui n'arrivent qu'une fois par an, ce sont les Oscars. Je pense que vous devriez faire un point Oscar. Un peu vos coups de gueule. Parce que belle je pense mise que... en avant du sujet, Hugo. Voilà, je pense que il y a des coups de gueule qui sont à faire. Et je pense qu'on peut donner 5 minutes sur vos pensées sur les Oscars. Quoi. Moi, j'ai vu strictement aucun film, je crois, à part Three Billboards. Dunkerque. Et Dunkerque. Putain, il était Oscar celui-là, j'ai oublié. Et Star Wars 8. Hein. Star Wars 8 était nominé. Et Coco. Hein. Ouais. Et Coco. En fait, j'ai vu tous les films qui sont pas dans les 4 Oscars les plus importants, à part Three Billboards. Mais du coup, je peux pas en parler, mais je suis sûr que vous, vous avez quand même des trucs à dire. Bah, moi, globalement, j'étais contente d'une chose, c'était que Dunkerque n'ait pas eu l'Oscar du meilleur film, ou le meilleur, ou meilleur réalisateur. Ça, déjà, j'étais contente. Je me suis dit, ça va. L'honneur est sauf. Les gros rageux, tu sais. Non, mais après, ils ont eu les Oscars techniques et ça, je suis assez pour parce que bah, c'était mérité. Hein, je veux dire, Dunkerque, niveau technique, c'était quand même. C'était pas mal. Ah oui. Ah oui, non, Dunkerque, ça se défendait. Hein. C'est, mais en soi, fin, de là à donner un Oscar de meilleur film, je trouve que c'était abusé parce que. Ah non, carrément. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Dunkerque ou les Oscars Dunkerque. Très beau, très belle photographie, ouais, mais vraiment... Enfin, en fait, le pire, c'est que ce que j'ai pas aimé... Très beau dialogue. Non, mais c'est que... Inexistant. il est rendu le film compliqué, mais pour rien. Genre, il a mis des espèces de flashbacks et de changement de perspective tout le temps. C'est l'effet Lost. C'était pour, ouais, pour faire genre c'est compliqué, alors qu'en fait l'histoire elle pouvait se résumer en une heure. Fin... Par contre, j'ai appris que Cillian Murphy, acteur principal de Peaky Blinders, oui. jouait dans Dunkerque. Je me demande quel rôle il jouait parce que. Mais il jouait le mec dans le bateau. Le mec qui pète un câble. Ah, ok, celui qui a plein de. Qui a des PTSD. Ouais, un peu, ouais. Ouais, on peut dire ça. Ok, ah bah c'est pour ça que j'ai pas. Ok. Ouais, il joue aussi dans Inception, il joue dans tous les films de Nolan, il joue dans Batman aussi, enfin, toujours là, lui. Il est très sexy. Ouais, bah plus sexy que les films de Nolan, en tout cas. Bah voilà, et sinon, bah en fait, sinon aussi, moi, ce qui me gave un petit peu dans les Oscars, ce que j'ai l'impression, ça arrive chaque année, c'est qu'il y a un film ou deux, et ils vont tout rafler. Genre, alors qu'il y a plein d'autres films cool qui sont nominés et qui méritaient aussi une tête des prix, tu vois. Ça va être un film qui cumule tout. T'as pas remarqué ça? Bah, j'avoue que ces dernières années, j'ai même plus regardé les Oscars parce que ça passe vraiment un créneau horaire pas pratique. Et en plus, j'ai même pas l'occasion de sortir, de voir les films qui sont à l'affiche. Parce que déjà, je sais pas comment ça se passe au niveau de... Plein de films qui sont aux Oscars ne sont même pas encore sortis en France, limite. Ouais, c'est parce qu'en Suisse, en fait, les Oscars, ça leur donne une grosse notoriété. Et ça permet de sortir les films et d'être sûr que les gens aillent les voir. Genre, Lady Bird, si ça avait pas fait de bruit au Golden Globe ou aux Oscars, il serait passé inaperçu en France, tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que, par exemple, Aitonia, je pense qu'il était pas sorti au moment des Oscars. Plein de films, enfin, du coup, ça m'intéresse pas de regarder les Oscars, vu que j'ai vu aucun film, y a pas d'enjeu pour moi, comparé à quand il y a quelques années où j'étais vraiment là, prête à mener bataille. Bon, bah, on refera un point dans un mois. Enfin, tout ça pour dire que, bon, du coup... Ça, c'est une idée. Faire une émission Oscar de 2017. Parce qu'il y a des chances qu'on ait vu tous les films. Ou de 2019 refusé. Non, de 2017. C'est-à-dire que là, maintenant, en 2018, on a vu tous les films qui ont eu les Oscars en 2017. Ok, why not? Bah, je vois surtout qui n'a pas eu l'Oscar, c'était La La Land. Merci de remuer le couteau dans la plaie. En même temps, on a toujours pas vu Moonlight, j'ai détesté La La Land, donc... Oh! Waouh. Non mais Détester, c'est fort comme mot. Bah, j'ai juste trouvé ça long et chiant. Quoi? Mais et moi qui adore les comédies musicales, mais là j'ai trouvé ça sympa, belle couleur. Là mais, je suis choqué. Là je suis choqué et déçu parce que Hugo déteste les comédies musicales et il a aimé La La Land. Bah, je sais pas, moi je trouvais que c'était un quoi peu. Enfin l'histoire elle m'a pas bouleversé quoi. Elle t'a pas bouleversé? Non. Bah moi non plus. Mais c'était pas mal quand même, enfin... Non mais oui, ça va, mais j'ai trouvé ça... Enfin, c'est juste que voilà, c'était sympa, mais sans plus. Et sympa, mais sans ça, plus. Bah quand tu trouves ça sympa, mais sans plus, ça s'éternise. Surtout que voilà, enfin, en fait, j'ai plusieurs sœurs. Il y en a une qui m'a vanté les mérites en tant qu'elle est allée le voir 3 fois au cinéma. Toi, Victoire, je sais pas combien de fois tu l'as vu. Alice, c'était 2 fois, enfin... Je suis allée voir le film, je m'attendais à un truc spectaculaire. Du coup, voilà... La déception a été rude. Est-ce qu'il y a eu une déception d'un point de vue Oscar ou non, ça a été globalement. Non, franchement, enfin, ouais, bah, en fait, si ma déception, c'était que concrètement, il y a là, c'était La Forme de l'eau cette année qui a fait meilleur film et meilleur réalisateur et meilleur machin et meilleur machin. Et c'est ça que je reproche aux Oscars, c'est qu'il y avait quand même 9 films qui étaient nominés meilleur film. Tu vois, est-ce qu'ils étaient obligés de donner meilleur réalisateur et meilleur film au même film? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Je veux dire, c'est comme... Enfin, ok, tant mieux pour La Forme de l'eau. Moi, je l'ai pas encore vu. Je le verrai parce que j'ai envie de le voir. Mais tu vois, c'est chiant que ce soit toujours le même film qui cumule tout. Tu vois, et l'année dernière, c'était pareil avec Moonlight et La La Land. Alors après, moi, j'étais Team La La Land, d'accord. Mais peut-être qu'il y avait quand même d'autres films qui méritaient aussi d'autres Oscars. Et c'est toujours le même film... Ou les 2 mêmes films qui raflent tout. C'est vrai que c'est dommage et pas stimulant au final pour les autres. Il faudrait faire des statistiques sur quel... Parce que surtout, ceux qui raflent tous les Oscars, c'est ceux dont on entend parler quelques jours en plus avant les Oscars. Enfin, c'est ceux qui font vraiment parler d'eux, du coup c'est limite pas une surprise. Bon, en tout cas, par contre, Coco, film, meilleur film d'animation, évidemment, j'ai envie de dire, mais vous avez vu, ça. Il était nominé face à Baby Boss. Je veux dire, si ça c'est pas la honte... Donc ça clash. Hein. Donc évidemment, ça dénonce. Je suis ravie pour Coco parce que ça le mérite et c'est d'ailleurs le film pour l'anecdote le plus rentable de tous les temps au Mexique. Enfin pas le plus rentable mais celui qui a fait le plus d'entrées au monde au Mexique. Putain. de tous les temps, enfin. Well, you've got your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, we'll have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. On va profiter d'avoir la spécialiste reconnue mondialement des teen movies, qui a écrit plus de 17 ouvrages. 18, parce que oui, le prochain sort d'ailleurs le 23 avril. Mm-hmm, aujourd'hui. Tu, oui, ah non, c'est vrai, je suis encore dans Dark, là, c'est pour ça. Parler de livres, parce que là, il y a des livres qu'on a lus tous les deux, enfin plusieurs. Constance, elle est en plein dans l'affaire Harry Kébert. Moi, Constance, elle avait lu La vie sexuelle des super-héros. Ouais, on est un peu 10 ans en retard pour La vie sexuelle des super-héros. Alors, je suis un peu gêné parce que j'avais comme reco, enfin pas comme reco, mais comme film que je voulais voir et qui m'intriguait, Revenge, de, je crois, Coralie Farja. C'est ça, c'est ça. Et tu m'as dit que c'était nul à chier. Non, c'est pas nul à chier, parce que là je vais commencer vraiment à paraître pour quelqu'un de trop critique. Mais Bah non, mais on est un peu comme ça, c'est parce que là on parle que de trucs qu'on aime bien, du coup on est gentil. Mais globalement, genre on n'a pas parlé de Jessica Jones la saison 2, parce que moi je trouve que c'est quand même pas terrible quoi. T'es dur. Moi j'ai regardé que le premier épisode, mais c'est vrai que... Non mais tu passes par un mauvais moment devant Jessica Jones non plus, c'est juste là c'est un peu chiant. Oui. Bah, tu passes par un mauvais moment. Ça me passionne pas. Quoi. Ça me passionne pas. Moi, je vais essayer de m'y pencher plus sérieusement, mais pour le moment, c'est vrai que je suis plus dans d'autres séries. Comme quoi ? Bah, comme Versailles en ce moment. C'est bien. C'est cool. Je valide. Moi, j'ai pas vu. Bah, je préfère pas développer un autre sujet maintenant, c'est pour ça que je vais plus long. Mais... La suite dans un prochain épisode. Alors Revenge, c'était super sympa et moi j'étais vachement bottée par l'histoire parce que forcément c'était une femme qui sort avec un mec, c'est pas une histoire sérieuse, ses deux amis débarquent dans la maison en plein milieu du désert pour chasser et au final c'est un peu elle qui devient la proie, donc pendant que le mec avec qui elle couche normalement et il n'est pas là, elle se fait violer par un des deux autres, le troisième voit mais ne réagit pas. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a un problème avec deux des mecs, vu qu'il y en a un qui... Bref. Elle est complètement traumatisée, bien sûr. Le mec rentre. Lui, il part plutôt en mode « t'as merdé, on va avoir des problèmes » plutôt qu'en mode « pourquoi t'as violé ma copine ?» Enfin, bref, ça se transforme en « il la pousse d'une falaise Et elle s'empale sur une énorme pique en bois. Et ça se termine comme ça. Eux, ils se barrent. Cool. Et donc là, débarque, commence le film, la vraie idée du film, Revenge, la revanche sur les mecs. On se doute que c'est ça qui va arriver. Donc là, elle commence à attraper ses écouteurs, faire un lasso, alors qu'elle est empalée, tombée d'une falaise, hein, mais ça, easy. Pour prendre son briquet, allumer la... foutre le feu, ensuite réussir à sauter hors du truc, enfin, on n'y croit pas du tout. Après, d'après Hugo et Victoire, c'est le but du film. Non, mais en fait, je pense, enfin, je sais pas si c'était réaliste ou surnaturel, c'est... mais tu voyais un peu dans la bande-annonce. Ça a l'air tellement gros que c'est bah, forcément assumé, non? Bah, j'imagine que c'est assumé, mais vraiment, enfin, moi qui adore ce genre de film, enfin, pour le coup, c'est bête de dire ça parce que moi, c'est pas un genre de film. Ah, moi, j'avais comparé ça à Kill Bill. Bah, non, mais voilà, bah, non, parce que Kill Bill, tout en étant pas réaliste, bah là, si vous voulez, c'est pas le problème de réaliste, c'est grossier en fait. Enfin, on n'y croit pas du tout, et puis c'est n'importe quoi, enfin, elle est à moitié déglinguée, et elle arrive quand même à les niquer, et dans un désert, elle bouge pas mal, enfin. Ouais. C'est pas concentré sur eux, c'est une chasse à l'homme dans le désert, où eux, ils la cherchent, elle... Enfin bon, bref, c'est pas mal, mais... Je sais pas, en fait, au début, c'est sympa, parce que... Voilà, elle arrive à s'échapper, elle essaye de cacher, elle est dans une grotte... Et là, comme par hasard, elle avait des champignons qu'elle avait eu au début du film. Donc là, ça tombe bien qu'elle les ait. Et donc, elle prend ça pour se faire sa méga opération du torse. Parce que, bon, elle a été empalée, quoi. Du coup, en fait, elle brûle une canette de... un bout de canette de bière qu'elle a coupé au préalable. Elle se colle sur le ventre. Du coup, ça crame la plaie. Elle est sous ce champignon, donc ça se passe relativement bien et pas bien en même temps. Et à la fin, du coup, elle enlève la truc et ça cicatrise. Et en plus, elle a le motif de la canette de bière qui est une sorte d'aigle ou je ne sais pas quoi, un truc super majestueux. Du coup, ça tombe bien, elle a un nouveau tatou. Voilà. Et, ben, et elle est prête à déglinguer tout le monde. On allie l'utile à l'agréable. Voilà. Ce qui est un peu... Non, franchement, regardez-le parce que vraiment la photographie est superbe. Enfin, c'est magnifique, je crois le désert. Sens, c'était littéralement ta phrase de l'épisode. La photographie est superbe. Ben ouais, parce que le point commun des films, photo. C'est que voilà, c'est la photographie était super, le visuel est super joli. Et le visuel était super joli. Enfin voilà, c'est juste le point commun. Et c'est vrai que je l'ai répété pas mal, mais c'était peut-être un peu le seul intérêt du film des fois. Revenge, ça montre un peu notre bienveillance, j'ai envie de dire. Oui, voilà, j'ai envie de trouver malgré tout des points positifs. Voilà, bah nous on est comme ça. On va passer au roco. Alors moi je prends la parole, même si j'ai déjà parlé, je fais une pause. Alors moi je recommande Crac Crac qui est sur Canal+, donc ok c'est peut-être pas accessible Canal+ pour tout le monde. Décalé. Canal+ décalé, oui, du coup ça passe à 22h45, deux fois par mois je crois. Donc c'est Monsieur Poulpe qu'on a vu dans les recettes pompettes et que personnellement j'ai adoré. Qui anime un talk show... en plusieurs étapes, ben un peu sur la même idée des recettes pompettes sur un concept tout à fait différent qui est le sexe, donc c'est interdit au moins de 16 ans. Et c'est sur un sujet, en l'occurrence, si je prends par exemple, il a fait le fétichisme et du coup... Ah, c'est l'épisode qu'on a vu, c'est le premier. Ouais. Voilà, il y a plusieurs étapes et c'est vraiment sympa. Là, c'était à regarder, bien. Marrant, ça m'apprend des trucs. Par exemple, j'ai découvert que... une pratique fétichiste gay, en l'occurrence basée sur les vêtements de sport, les baskets. Ah, mais je connaissais pas du tout. Non, on l'a vu ça. Du coup, c'était super intéressant, ce genre de petite découverte sympa. Puis c'est quand même un peu drôle, mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est malveillant. Par contre, je me demande, en fait, si un atelier livre qui est fait par sa mère et deux amis, est-ce que c'est vraiment sa mère ou est-ce qu'il dit ça pour rigoler? Bah, en tout cas, c'est la même maman qu'on voit dans les recettes pompettes. Et je pense que c'est sa vraie maman. Ouais, parce qu'ils ont un peu la même tête, du coup, ça m'étonnerait pas. Mais bon, je me demandais quand même. Mais en tout cas, c'est une super émission. Enfin, du coup, moi, je me suis abonnée pour le mois gratuit à Canal+, extra pour ça. Et j'ai enchaîné les 4 d'un coup, parce que pour le moment, il n'y en a que 4. Putain, mais il y en a 3 qu'on n'a pas vu, on en a vu qu'un. J'attends le prochain avec impatience et c'est vraiment super sympa à regarder, moi, léger. Moi, je vais pas m'abonner à Canal+ juste pour cette émission. C'est vrai. Puis en sachant que quand vous êtes en couple, du coup, ça fait 2 mois. Puis après, vous demandez les adresses mail de vos parents et leur numéro de carte bleue. Bon, ça va peut-être être un peu compliqué. Alors, j'ai deux recos à faire. La première, c'est pour rebondir sur Revenge, parce que tu m'as dit que c'était un film de globalement de revanche, d'où le titre, et Chasse à l'homme, et qu'en fait, du coup, j'ai envie de recommander un film Chasse à l'homme. Le titre, c'est Chasse à l'homme. Je me demande comment ça t'est venu. C'est un film de type Chasse à l'homme. C'est Get Out. Non. C'est quoi? On peut en parler de ça aussi. Oh là là. Ah, Get Out. Oh là là. Il était au. Et il a reçu que un Oscar. Il a reçu que un Oscar. Abusé. Meilleur scénario. Ça m'a trop retourné le crâne, ce film. Bah, moi aussi, franchement, pareil, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus de trucs. Et surtout, au moins un Oscar pour le réalisateur, tu vois. Qui a fait un film ouf, nominé aux Oscars. Mais il en a eu un, mais en tant que scénariste. Ouais. Mais c'est un film qui a coûté que 4 millions, qui en a engrangé combien de fois plus? 10 000. Je sais pas, mais beaucoup. Il a fait plus de 100 millions, je pense. En plus, je trouve vraiment que c'est un très bon acteur principal. Il a fait 20 fois plus. Je crois qu'il a fait 200 millions, un truc comme ça. Non, ça m'étonnerait pas, franchement. Voilà. Et en plus, c'est pas un film chiant, tu vois, pas en mode film d'auteur et tout. C'était vraiment cool. Et voilà, il n'y a pas eu de plus de. C'était un peu scandaleux, je trouve, quand même. Enfin... Donc, du coup, c'était quoi le film que tu voulais recommander? Et alors, en fait, c'est un film, Eren Montana, un film traduit par Les Proies en français de Gonzalo López Gallego, de sorti en 2007, qui est littéralement une chasse à l'homme. C'est l'histoire d'un mec qui est dans l'Espagne profonde, qui est en bagnole pour aller chez quelqu'un qu'il connaît, je sais plus qui. Et en fait, sa voiture tombe en panne. Et en fait, il se rend compte que quelqu'un lui tire dessus. Au fusil de sniper, quoi. Ok. Et en fait, c'est la traque. C'est-à-dire que du coup, sa bagnole est morte, du coup, il doit se barrer en courant dans la forêt, il rencontre une meuf avec qui il s'enfuit ensemble. Et en fait, ils sont traqués par des gens, et aux deux tiers du film, je dirais, le film passe sur les gens qui traquent. Ok. Et du coup, on comprend pourquoi ils font ça, j'imagine. Ouais, mais c'est assez spécial. C'est un truc un peu stylé. Je dis pas que c'est parfait, il y a des lacunes de scénario et tout, mais sincèrement, quand tu dis que c'est un film d'auteur un peu indépendant et vraiment qui fait avec trois fois rien, c'est franchement pas mal, quoi. Ok, ça bouge un peu ou pas? Ouais, ça maintient un petit stress, quoi. Surtout que c'est pas très long, je crois. De souvenir, c'est pas très long, et du coup, ça... Il y a un petit rythme, et comme tu passes de après aux autres, en fait, tu te mets c'est un autre rythme qui est tout aussi stressant. Bah, ça a l'air sympa en tout cas, tu vends mieux les films que Victoire. À toi, Victoire, pour la reco. Moi, ma reco, c'est The Good Place, qui est une série que Constance m'a fait découvrir d'ailleurs sur Netflix. Et au début, enfin, la première fois, j'ai vu le premier épisode une première fois avec Constance, j'ai pas trop accroché, je trouvais ça un peu spécial. En gros, l'histoire, c'est Kristen Bell, donc qui joue Eleanor. En fait, elle est morte et elle arrive dans un endroit qui s'appelle The Good Place, où en fait on lui explique qu'elle a fait des bonnes choses, du coup elle est dans une espèce de paradis en fait. Et sauf qu'elle, elle comprend pas ce qu'elle fait là, elle le dit pas bien sûr, mais en fait c'était une personne horrible dans sa vie, et en fait elle était, elle était pas censée être là. On peut dire qu'elle était pas faite pour The Good Place, quoi. Voilà, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, il va lui arriver pas mal d'aventures cocasses. De par cette situation, et avec les autres personnages secondaires qui sont très drôles. Mais ce qui est cool avec The Good Place, c'est que ça aurait pu être juste un enchaînement de gags et de situations cocasses, et que finalement, l'intrigue profonde s'est révélée surprenante et vraiment très bien construite, en fait. C'est vrai que j'ai adoré le tournant qu'a pris cette série. Après, je sais pas si on en parle ou pas. Bah, moi, j'ai vu que la saison 1, par contre, j'ai pas vu la saison 2. Ok, donc moi, j'ai vu les deux saisons. Et c'est vraiment super intéressant comment la série, qui paraît seulement humoristique, cocasse, oui, bien dit Victoire au début, se développe en quelque chose de plus profond, plus sympa, les relations entre les gens, etc. Beaucoup de complexité, en fait, dans les personnages. Mais on reste toujours dans l'humour. Enfin, l'humour reste là. Mais parfois, c'est sérieux. Un peu de l'humour noir. Mais c'est vraiment... vraiment bien fait. Une belle série. Bien joué. Et voilà, vous fiez pas forcément au premier épisode. Le premier épisode, il peut faire peur, tu vois. Quand il a commencé à y avoir des animaux géants dans la ville et tout. Ouais, c'est un peu too much, tu vois. Là, franchement, si tu essaies pas de t'accrocher, mais il faut juste passer ça. Et ensuite, la série est vraiment très très bien. Donc, ça vaut le coup de persévérer. Non, ça, enfin, même pas de persévérer. Je recommande vraiment la série. Je la trouve sympa à regarder. J'entends les hurlements d'un chat au loin. Je suis désolé pour le chat qui hurle. Je pense qu'on l'entend. Ouais, globalement, on recommande. On est d'accord. Voilà, c'est un super bon... sympa, léger. Très bon moment et j'ai hâte de regarder la saison 2. On va passer vite fait en 20 secondes au recommensuel que je répète tous les mois. Je pense que Constance, elle va être d'accord. Regardez Big Mouth et regardez BoJack Horseman. Ouais, pourquoi pas. Après, BoJack Horseman, j'adore, mais je décroche des fois. Enfin, je regarde un épisode de temps en temps, mais je suis pas à fond dedans en fait. Ouais, mais ça laisse un truc, je trouve. Mais c'est sympa, ouais. Là, je viens de regarder l'épisode aquatique avec Bella Hippocampe. C'était un peu what the fuck, c'était sympa, bref. Mais moi je trouve que plus ça avance et mieux c'est, encore. À part peut-être la dernière saison, qui est pareil que la saison 3. C'est-à-dire pas mieux, mais aussi bien. C'est déjà pas mal en l'occurrence. Voilà. Et en tout cas, on était contents de te recevoir ce soir, Constance. Bah ça m'a fait plaisir aussi. On peut te suivre quelque part. Vous pouvez m'appeler au 06. Vous pouvez me suivre sur Twitter à @kekalo, QUEKAHLO. Et surtout, ne lui envoyez pas des gifs de The Room, elle déteste ça. Si, j'adore ça, envoyez-moi des gifs de n'importe quoi tant que ça adapte à la situation. Et moi, vous pouvez m'envoyer des corgis avec des chapeaux. on se retrouve sur Twitter @ ETMF. Tiré du bas podcast. Le 8. Sur Facebook en toute mauvaise foi. sur Apple Podcast, sur PodCloud et vos applications dédiées sur Android. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bisous. Bisous. Bonsoir.